La force est avec toi, petit japonais. La force est avec toi. Tu ne peux pas lutter contre la force. Viens, Satan. Viens du côté obscur. Nous t'attendons. Arrête de répéter tout ce que je dis, toi, là. Là, voilà, c'est mieux comme ça. Oh, le calme est revenu. Hey. Là. Hey. Je suis ton père. Et toi, avec ton piano, la force est avec toi aussi.